Ce mardi, à Assemblage Requis, on lance la programmation automnale 2009. On reçoit Pépé et sa guitare en prestation et en entrevue pour parler de son spectacle au Gambrinus. C'est un rendez-vous mardi 15h pour Assemblage Requis.